Chapitre 37e. Le colonel, qui avait longtemps hésité avant d'aller annoncer son mariage à Thérèse, se décida tout de suite à lui apprendre que ce mariage était rompu. Et comme Antoine ne lui avait point écrit depuis le retour de Soriol, et que par conséquent il ignorait où Thérèse pouvait se trouver en ce moment, il se rendit rue de Charonne pour avoir l'adresse de son oncle. Pendant 2 jours, à la suite de la scène de la rue du Colisée, il était resté enfermé chez lui, ayant donné l'ordre de ne recevoir personne, à l'exception du prince Mazzazoli, qui l'attendait, mais qui n'était pas venu. Il avait besoin de sortir, de marcher, de se secouer, pour échapper aux pensées qui, plus noires les unes que les autres, troublaient son esprit et son cœur. Cette maison, où les ouvriers travaillaient à tout préparer pour ce mariage qui ne se ferait pas, lui pesait sur la poitrine, leurs coups de marteau l'exaspéraient. Quand, parfois, ils traversaient les pièces où ils achevaient leur besogne, il lui semblait qu'ils cessaient de chanter pour le regarder d'une façon étrange, les uns comme s'ils le plaignaient, les autres comme s'ils se moquaient de lui. Dehors, il serait plus libre, il respirerait. Au moins, il ne verrait plus ces objets destinés à une femme qui s'était jouée de lui et qui à chaque pas le faisait rougir d'humiliation. Comme il s'était laissé entraîner et duper. Il l'avait donc jugé bien simple et bien aveugle. Avait-il eu tort? Et cette simplicité n'avait-elle pas été jusqu'à la niaiserie? Cet aveuglement n'avait-il pas dépassé ce qui humainement est croyable? Mais ce qu'il avait espéré ne se réalisa pas. Au dehors, au contraire, ce sentiment d'humiliation lui devint plus vif et plus pénible. Il était parti de chez lui à pied, et par le boulevard Haussmann et les boulevards, il s'était mis en route pour le faubourg Saint-Antoine. C'était l'heure où le tout Paris, qui respecte les exigences de la tradition et les observe religieusement comme article de foi, se dirige vers le bois de Boulogne. Le colonel n'avait pas fait 500 pas, qu'il avait croisé 20 voitures dans lesquelles se trouvaient des personnes qu'il avait saluées, car il faisait lui-même partie de ce tout Paris, dont il était une des individualités les plus connues, et les gens du monde qui n'avaient pas eu de relation intime avec lui savaient au moins qui il était. Tout d'abord, il avait rendu ses saluts, sans y apporter grande attention. Mais bien vite, il avait remarqué qu'on le regardait avec une curiosité peu ordinaire. Les yeux s'attachaient sur lui avec fixité. On se penchait vers son voisin pour l'entretenir à l'oreille. Les femmes souriaient. Bien évidemment, on s'occupait de lui et l'on parlait de son mariage manqué. Que disait-on? Il fut bientôt à peu près fixé à ce sujet. En arrivant à la place de la Madeleine, un personnage pour lequel il avait fort peu de sympathie, malgré les protestations d'amitié dont celui-ci l'accablait en toutes circonstances, le vicomte de Saint-Austrobert, lui barra le passage et l'aborda presque de force. « Eh bien, mon cher colonel !»« Eh bien, monsieur le vicomte ?» répondit froidement le colonel. « Voyons, ce n'est pas indiscret, n'est-ce pas? Qui est indiscret? De vous adresser une félicitation. À propos de quoi, je vous prie ?» À propos de votre mariage, qui ne se fait pas. » Le colonel se redressa et regarda Saint-Austrobert de telle sorte que tout autre, à la place de celui-ci, eût été déconcerté, et peut-être même jusqu'à un certain point inquiété. Mais le vicomte ne s'était jamais laissé déconcerter par rien ni par personne, et de plus, il n'avait jamais pensé qu'on pouvait avoir l'idée de l'intimider. L'herbe n'avait pas encore poussé sur la tombe du dernier adversaire, M. de Mériol, qu'il avait tué dans un duel célèbre, et le moment eût été mal choisi pour le faire reculer. Il se mit à rire et, prenant les 2 mains du colonel en lui faisant presque violence, « Soyez convaincu, dit-il, que je ne parle pas à l'étourdi, pour le plaisir de bavarder. C'est sincèrement que je vous félicite, sinon, en me plaçant à votre point de vue, au moins en restant au mien. » Faut-il vous dire que votre mariage avec Mademoiselle Belmonte me désolait? Et pourquoi cela, monsieur? Je vais vous le dire, mon cher colonel, car je sens que mes paroles ont besoin d'être expliquées. D'abord, je dois protester de mon admiration pour Mademoiselle Belmonte, la plus belle, la plus séduisante femme que j'ai vue. Quand je la regardais, je me demandais si le conte si connu ne s'était pas réalisé pour elle. et si toutes les bonnes fées ne s'étaient pas réunies autour de son berceau pour la combler de leurs dons. J'avoue que je ne vous comprends pas, et je vous serai reconnaissant puisque vous tenez tant à me donner une explication que je ne demande pas, à la limiter à ce que vous jugez indispensable. Par où allez-vous ? Demanda Saint Ostrobert sans se laisser rebuter par cet accueil si peu encourageant. Je vais à la Bastille. À pied ? À pied. Alors je vais vous accompagner un moment. En causant, j'achèverai mon explication. Et d'un air dégagé, il se mit à marcher à la droite du colonel. Si je vous ai tout d'abord fait part de mon admiration pour Mademoiselle Belmonte, dit-il, c'est pour que vous compreniez bien que dans la satisfaction que j'éprouve à voir que son mariage ne s'accomplit pas, il n'y a chez moi aucune animosité contre elle. Je n'ai qu'un reproche à lui adresser, mais il est à mes yeux d'une gravité capitale. Elle est italienne, et justement, celle que vous devez épouser est une française. Alors mon mariage devient une affaire nationale. Mais assurément, pendant les premiers temps de votre séjour à Paris, alors qu'on avait quelques raisons de croire que vous ne pensiez pas à vous marier, naturellement, on ne s'occupait pas de votre mariage et l'on ne cherchait pas à faire pour vous ce que vous ne faisiez pas vous-même. Mais quand on vous a vu revenir à Paris et qu'on a appris que vous alliez prendre Mademoiselle Belmonte pour femme, ça a été une explosion générale de regrets. On avait cru en effet que vous vouliez redevenir français. Si vous épousiez une Italienne, c'en était fait. Et je vous avoue que pour ma part, j'ai été désolé. On ne perd pas de gaieté de cœur un compatriote tel que vous. Vous oubliez que je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. N'êtes-vous pas né d'un père français ? Sans doute. Mais on perd la qualité de français en prenant du service à l'étranger. Et vous savez peut-être que ce cas est le mien. Je le sais. Mais je sais aussi que rien ne vous serait plus facile que de reprendre cette qualité de français. Et voilà pourquoi je vous félicite de la rupture de votre mariage. Maintenant, si vous vous mariez, j'espère que vous choisirez une française. Disant cela, Saint-Ostrobert passa son bras sous celui du colonel. « Tenez, je veux être franc jusqu'au bout et ne rien vous cacher. » « Eh bien, on a parlé de vous hier soir en haut lieu, et une grande dame, une très haute et très puissante dame, a justement agité cette question de mariage. « Mais qui a dit que je voulais me marier, je vous prie ?»« Personne. Seulement, on a dit que si vous vous décidiez maintenant, vous deviez prendre une Française, voilà tout. » Vous êtes une puissance en ce monde, mon cher colonel. On doit compter avec vous. Eh bien, il est une bonne politique de vous attirer et de vous gagner. Je vous assure qu'on est disposé à faire beaucoup pour cela. Ne résistez pas. Ce n'est pas officiellement que je parle, c'est officieusement. Mais cependant, soyez assurés que mes paroles sont sérieuses. On a pour vous de hautes visées. Puis-je dire que je vous ai sondé à ce sujet et que je n'ai pas trouvé vos oreilles fermées ? Je sais de sources certaines qu'on désire vous adresser une invitation. Êtes-vous présentement en disposition de l'accepter ? Vous voyez que je parle net et sans détour. Que dois-je répondre ? Que vous avez trouvé un homme très touché de la sollicitude qu'on lui témoigne et très reconnaissant qu'on pense à lui. Mais en même temps, vous avez trouvé aussi un homme incertain sur ce qu'il va faire et qui ne sait pas en ce moment si demain il ne sera pas en Allemagne ou une affaire importante l'appelle. Dans ces conditions, la réponse que vous demandez est impossible à formuler. Aussi vous a-t-il prié d'attendre son retour. Et sur ce mot, le colonel, ayant vivement dégagé son bras, salua Saint-Ostrobert et le quitta. Il était furieux. Ce n'était pas en effet la première fois qu'on abordait ce sujet avec lui. Dès les premiers temps de son arrivée à Paris, et pendant sa liaison avec Madame de Lucilière, on lui avait adressé des communications tout aussi officieuses que celles de Saint-Ostrobert, mais tout aussi précises. Des gens considérables l'avaient eux aussi voulu sonder. Alors il avait répondu en riant qu'il ne songeait pas pour leur présente à se marier et qu'il verrait plus tard. Mais dans la disposition où il se trouvait en ce moment, il n'avait plus le rire sur les lèvres. De quel droit se mêlait-on ainsi de ses affaires ? Il lui avait fallu se faire violence pour ne pas répondre franchement à cet étrange ambassadeur et ne pas lui cracher à la figure toute son indignation. Mais quelle rage ont donc les gens de s'occuper ainsi du mariage de ceux qui ne leur demandent rien ? Question de patriotisme. Vraiment, oui. Quelle jeune fille plus ou moins compromise voulait-on lui faire prendre pour femme? Quelles influences voulait-on servir avec sa fortune? À cette pensée, il voulut retourner sur ses pas pour retrouver Saint Ostrobert et à son tour l'interroger. Le marché devait être curieux à connaître. Il apportait sa fortune, que lui apportait-on en échange? À quel prix l'estimait-on? Ah, chère petite Thérèse, quelle différence entre toi et tous ces gens! Depuis 3 ans qu'il était en France, elle était vraiment la seule qui n'eût point visé cette fortune que tant d'autres avaient poursuivie ou qu'il poursuivait encore par de honteux moyens. Et précisément parce qu'il avait bien conscience que maintenant elle était à jamais perdue pour lui, il osa pour la première fois s'avouer en toute franchise le sentiment qu'elle lui avait inspiré et le reconnaître pour ce qu'il était. Non, ce n'était point seulement de la sympathie, de l'affection, de la tendresse, de l'amitié. Ah, comme il l'aurait aimée, si elle avait pu être sa femme. Mais il avait commis la sottise, la faute, le crime, de la laisser s'engager envers un autre. Ah, comme il avait follement gaspillé sa vie, gâté le présent, sacrifié l'avenir. Et pourquoi? Dans quel but? Réfléchissant ainsi et passant d'autant plus rapidement d'une idée à une autre, que celle qu'il abordait ne lui était pas moins pénible que celle qu'il venait de rejeter, il arriva rue de Charonne. En traversant la cour, il revit Thérèse marchant légèrement, joyeusement, près de lui, le jour où il était venu la prendre en voiture pour la conduire aux courses. Comme elle était charmante alors! Et cependant, ce jour-là même, il avait trouvé de bonnes raisons pour ne pas s'abandonner librement aux sentiments qu'il éprouvait. Il avait voulu attendre. Cela était plus sage. Belle sagesse, en vérité, et qu'il avait conduit à un beau résultat. En arrivant devant la porte de son oncle, il entendit le bruit d'une voix qui paraissait lire dans l'atelier. Il frappa. « Entrez !» dit la voix en s'interrompant dans sa lecture. Il poussa la porte. Denisot, perché sur l'établi d'Antoine et portant son pierrot sur sa tête, faisait à haute voix la lecture d'un livre à Michel qui travaillait. « Ah, monsieur Édouard !» s'écria Denisot en dégringolant si vivement de son établi que l'oiseau, effrayé, s'envola. En voilà une surprise et une bonne. Michel, non moins vivement, quitta son travail pour venir tendre la main au colonel. La surprise paraissait être tout aussi heureuse pour lui que pour Denisot. « Ma foi, dit Denisot, il était écrit que nous devions nous voir aujourd'hui, car je devais aller chez vous ce soir. J'y serais même allé dans la journée si je n'étais pas resté pour faire la lecture à Michel pendant qu'il travaille. Voyez-vous, le temps nous allons maintenant et les livres nous aident à passer le temps moins tristement. Nous avons des nouvelles d'Antoine. Ah, et j'avais prié Denisot de vous porter la lettre que nous avons reçue ce matin pensant qu'elle vous intéresserait, dit Michel. C'était précisément pour vous demander des nouvelles de mon oncle et... Il s'arrêta. Que je venais vous voir. Voici la lettre, dit Michel. Et comme le colonel restait hésitant, le bras demi tendu. Oh, vous pouvez la lire ! Continua Michel. Alors le colonel l'ouvrit et la lut. « Mon cher Michel, je voulais t'écrire par une occasion sûre ce qui m'aurait permis de causer avec vous en toute liberté. Mais cette occasion tardant à partir, je ne veux pas te laisser plus longtemps sans nouvelles. Car depuis que tu sais que nous avons quitté Bâle, sans savoir aussi ce que nous sommes devenus, tu dois te tourmenter d'autant plus que la patience n'a jamais été ta première vertu. J'use donc simplement de la poste, comme tout le monde. Seulement, n'ayant en elle qu'une faible confiance et croyant qu'il est très possible, très probable même, que les lettres qui arrivent rue de Charonne adressées à ton nom sont soumises à une surveillance destinée à fournir à la police des renseignements, qui heureusement lui manquent, je suis obligé de garder certaines précautions assez gênantes, mais que je crois nécessaires présentement. Au reste, je pourrais, je l'espère, t'écrire bientôt sans crainte que ma lettre passe sous des yeux indiscrets. Et je te donnerai alors tous les détails que je suis obligé de taire aujourd'hui. Nous sommes restés à Bâle le temps nécessaire pour recevoir les réponses aux lettres que j'avais écrites. Ces réponses ont été telles qu'on devait les attendre des braves cœurs auxquels je m'étais adressé. Alors nous sommes partis pour notre voyage, pour notre exil en Allemagne. Maintenant, nous voilà installés aussi bien que nous pouvons l'être et nous avons trouvé ici un accueil qui t'aurait fait revenir des préventions que tu nourris contre les Allemands, si tu avais pu en être témoin. Il ne faut pas juger les Allemands à Paris, vois-tu, par ce qu'on dit d'eux, ou par ce qu'on peut remarquer en étudiant ceux qu'on rencontre. C'est en Allemagne, c'est chez eux qu'il faut les connaître. Par nos rencontres dans nos congrès avec nos frères allemands, j'étais arrivé à me débarrasser de certains préjugés français, mais j'étais loin de soupçonner la vérité. Particulièrement en ce qui nous touche le plus vivement, les Allemands sont plus avancés dans nos idées que nous ne le sommes en France. Ici, ce ne sont pas seulement les ouvriers des villes qui pensent à une réorganisation sociale. Les paysans, au moins dans le pays où je suis, sont leurs alliés, au lieu d'être leurs ennemis. De cette communauté de croyances, il est certain qu'il naîtra un jour un grand mouvement, qui sera irrésistible et qui provoquera en Allemagne une révolution plus terrible et plus complète que ne l'a été la Révolution française. Quand éclatera ce mouvement? Bien entendu, je n'ai pas la sotte prétention de vouloir le prédire. Je ne connais pas assez le pays pour cela. Et d'ailleurs, il faudrait entrer dans des considérations trop longues pour cette lettre écrite à la hâte, car il est bien entendu que les choses n'iront pas toutes seules. Il y aura des résistances. Déjà, elles s'affirment, et il est à craindre que ceux qui les dirigent ne jettent leur pays dans des aventures et dans des guerres pour tâcher d'enrayer ou de détourner ce mouvement. Mais quoi qu'on fasse, il reprendra son cours et sa marche, car l'avenir lui appartient. Pour ma part, je vais employer le temps de mon exil à pousser à la roue dans la mesure de mes moyens, car notre cause est au-dessus des nationalités, et nous devons travailler à son succès aussi bien en France qu'en Allemagne, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Nous avons ici un journal, le Volksstaat, ce qui veut dire le gouvernement du peuple, dans lequel on me demande des articles qu'on traduira. Je vais les écrire. En même temps, je fournirai des notes à son rédacteur en chef, un de nos frères, qui écrit une histoire de la Révolution française, car partout notre révolution doit être un enseignement pour les peuples qui veulent s'affranchir. Voilà pour un côté de notre vie. Quant à l'existence matérielle, n'en sois pas inquiet. Je travaille ici dans l'atelier d'un tourneur qui est un des chefs du mouvement social en Allemagne. Je voudrais que tu le connusses. C'est le meilleur homme du monde, le plus doux et le plus ferme. Nous demeurons porte à porte et Thérèse passe une partie de la journée à apprendre le français à ses deux petites filles. Si nous étions en France et réunis, nous pourrions dire que nous sommes pleinement heureux. En attendant une plus longue lettre, sois donc rassuré sur nous. Cette lettre te dira comment m'écrire et sous quel nom. Ne sois pas inquiet pour me tenir au courant de mon procès. Je lis les journaux français. Je te serre les mains, ainsi que celles de Soriol et de Denisot. Thérèse embrasse son oncle et vous envoie ses amitiés. Antoine. Antoine était tout entier dans cette lettre, avec ses aspirations et son enthousiasme, mais aussi avec sa négligence des choses pratiques. « Mais cela ne m'apprend pas où se trouve mon oncle, » dit le colonel en rendant cette lettre à Michel. « Et c'était là justement ce que je voulais savoir. Vous voyez, il m'annonce une nouvelle lettre. Aussitôt que je l'aurai reçue, je vous la communiquerai. » « Quand vous l'aurez, dit Denisot, voudriez-vous la communiquer aussi à une dame de vos amis qui est venue pour voir Thérèse ?»« Une dame de mes amis, et qui donc ?»« Madame la marquise de Lucilière. »« Madame la marquise de Lucilière ?»« Oui, elle est venue ici hier pour voir Thérèse, m'a-t-elle dit. »« Que lui voulait-elle ?»« Naturellement, je ne le lui ai pas demandé. »« Je lui ai dit ce que nous savions, que Thérèse était en Allemagne, voilà tout. » Le colonel quitta la rue de Charonne fort intrigué par cette nouvelle. « Madame de Lucilière cherchant Thérèse, qu'est-ce que cela signifiait ?